Vous écoutez Futur Simple au CKRL 89.1 et sans glisser vers la science-fiction, on va maintenant parler de l'invisibilité. La cape de l'invisibilité existe et c'est que ce que nous apprend Mustapha. Alors bonjour Mustapha. Salut Valérie. Donc on connaît tous Invisible Man, le film qui est sorti en 2000 avec Kevin Bacon, etc. Mais aujourd'hui, moi je suis venu, on va voir dans cette chronique qu'il existe aussi une Invisible Mouse, une souris invisible. Une souris invisible. C'est ça. Donc, l'invisible et le visible sont tous des... Enfin, surtout l'invisible est un sujet fantasmagorique, car il suscite beaucoup d'imagination et d'excitation autour de toutes ces choses que l'on peut faire si jamais on était invisible. On imagine invisible. Plein de choses, ouais. C'est ça. Ouais. Mais pour bien comprendre comment on peut devenir invisible finalement, il faut savoir qu'est-ce qui fait qu'on est visible, non? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, si nous observons les objets autour de nous, c'est parce qu'ils reçoivent de la lumière. Et puis, ces objets vont émettre par la suite cette lumière, ou du moins une partie de cette lumière, qui, elle, va arriver sur l'œil. L'œil va capter la lumière que les objets on voit. Donc, cette lumière, elle s'appelle lumière incidente ou faisceau incident. Et puis, si moi, je vois, par exemple, un citron jaune, c'est parce qu'il absorbe toutes les couleurs, qui sont comprises dans la lumière, sauf le jaune. Donc, il rejette le jaune. C'est ça. Donc, il faut savoir que la lumière blanche ou la lumière visible, elle est constituée de trois couleurs majeures, trois couleurs principales qui sont le rouge, le vert et le bleu. Donc, le citron va absorber la composante bleue, car il a des pigments spécifiques qui lui permettent d'absorber cette couleur, mais pas le rouge et le vert, qui, eux, vont former la couleur jaune. Donc, le défi d'être invisible consiste à faire que les rayons lumineux ne soient pas réfléchis par l'objet, mais le contournent. On peut, par exemple, imaginer mettre l'objet ou ce citron dans une sorte de sphère pour que le rayon lumineux soit guidé le long des parois de celle-ci. Et puis, ils vont poursuivre le chemin comme si rien n'était. On désigne cette sphère comme la cape d'invisibilité. Alors, comment on peut devenir invisible réellement? Bon, peut-être un peu comme un caméléon, quoique je ne sais pas s'il est réellement invisible. Ben, c'est ça, si le caméléon y arrive, pourquoi pas l'homme? Pourquoi? Mais bon, l'homme n'a pas toujours réussi à reproduire la nature. Mais faut d'abord savoir que le caméléon ne devient pas invisible, mais il se camoufle dans son milieu. C'est une nuance très importante à relever. Et aussi, il faut comprendre que malgré l'idée dominante dans notre conscience collective que le caméléon change de couleur pour se camoufler et se confondre dans la nature, pour éviter ses prédateurs ou chasser ses proies, ceci serait totalement faux. En fait, les changements de couleur du caméléon sont dus à ses changements d'humeur, en fonction de s'il est en saison d'accouplement ou s'il a peur, ou en fonction encore des conditions de son milieu, comme la température, par exemple. Chez le caméléon, sous l'effet des excitations physiques ou émotionnelles, des cellules de sa peau vont se rétracter ou s'étaler. Ainsi, au repos, le caméléon est à dominante verte, claire ou jaune. Lorsque la température est basse, il perd ses couleurs et devient gris. Et puis, lorsqu'il s'apprête à combattre, il devient brun rougeâtre. D'accord. Mais, donc, les pigments de sa peau ne changent pas, mais c'est plutôt la disposition, parce que ça se dilate. Oui, c'est ces cellules qui contiennent des pigments qui vont se rétracter ou se dilater en fonction de ce qu'il ressent, de ses émotions. Et c'est ça qui va faire en sorte que la lumière incidente... Oui, et ça va faire que les pigments vont se prendre une certaine teinte ou une certaine couleur, justement parce qu'il y a de la lumière visible qui est constituée de tout un spectre de couleurs. Mais il faut savoir que les pieuvres, les calamars et les autres sèches ont été bien plus inspirantes pour les scientifiques. En fait, l'été dernier, l'Académie nationale américaine des sciences avait publié des travaux où l'on rapportait la réalisation d'une membrane d'une épaisseur d'un millimètre qui mime la peau de ces céphalopodes. Souple et sensible à la couleur ambiante, la membrane change en fonction de la température. Pour l'instant, la membrane change seulement de deux teintes, du noir au blanc, mais elle devient quand même transparente au-delà de 47 degrés. C'est quand même intéressant, là. Oui. Mais ceci dit, si c'est transparent, on voit en dessous, donc ce n'est pas tout à fait l'invisibilité, ça déplace. Revenons au cas du caméléon. Donc, lui, il se fond dans l'environnement et devient en quelque sorte invisible pour des prédateurs. Bon, en fait, il n'est pas invisible, mais il est camouflé. Il y a peut-être d'autres formes d'invisibilité. Quelles pourraient être les différentes applications possibles de ces différents concepts d'invisibilité? Moi, en préparant cette chronique, et puis j'ai fait une courte recherche sur Google pour voir un peu ce qui se faisait, je me suis rendu compte que le concept de l'invisibilité était assez tendance et puis très répandu. Il peut y avoir plusieurs intérêts et plusieurs applications. Je les nommerai pas toutes, mais j'ai vu le concept de la voiture invisible qui, elle, va nous faciliter le stationnement et puis va nous aider pour reculer facilement, il y aura pas d'angle mort ni rien. Ah d'accord, oui, on voit à travers les, on voit les obstacles à travers donc, la voiture. C'est ça le but de cette voiture invisible. Ouais. Il y a aussi le parapluie invisible qui lui, il y aura pas de, il va pas, on va pas se prendre le parapluie dans le vent ou puis on peut le ranger, il va pas être mouillé ni rien. Il y a aussi l'avion invisible qui va nous permettre de profiter de la vue et du panorama. Il y a la cape de l'invisibilité pour se cacher. Il y a plein d'exemples, mais... Donc, en fait, là, dans ces exemples-là, c'est qu'on voit à travers. Là. Oui, c'est vraiment transparent, invisible. Ouais. Et puis, il y en a même qui parlent de produits pour être invisibles aux moustiques. Là, par contre, je pense que c'est autre chose. Ça s'appelle plus, pour moi, un chasse-moustique. Mais bon, on peut jouer un peu sur les concepts. Peut-être que les vendeurs peuvent appeler ça invisible aux moustiques pour faire plus vendeur. Mais bon, par quel principe ou basé sur quelle méthode, finalement, la science aborde l'invisibilité? Comment ça marche? Disons que pour se rendre invisible, il y a deux grandes écoles de pensée. La première approche se base sur l'optique et la photonique, alors que la deuxième approche se base sur tout ce qui est biomatériaux. Donc comme le cas de la membrane faite avec la pierre. Oui, exactement. Ouais. C'est un matériel qu'on va modifier ou qu'on va créer. Par contre, la première approche, on va dire qu'elle se joue de subterfuge employant des miroirs, des caméras ou encore des angles magiques pour atteindre l'invisibilité, alors que la deuxième méthode, celle des biomatériaux ou métamatériaux, va tenter de aussi si bien que mal de tordre et distordre les rayons lumineux pour qu'ils contournent les objets. C'est le concept par exemple de la cape d'invisibilité qui va dévier les rayons des objets. Moi, en tout cas, ce qui m'a bluffé, c'est de savoir qu'il y a déjà des prototypes fonctionnels déjà fabriqués et en voie d'être produits en série, et ça se passe même chez nous au Canada. HyperStealth Biotechnology a développé un dispositif capable de rendre invisible celui qui le porte. La cape d'invisibilité est une commande de l'armée américaine qui a sollicité justement cette compagnie canadienne. La compagnie, elle utilise une nouvelle technologie qu'ils ont baptisée Quantum Stealth, pour Quantum Furtif. J'avouerai que le principe est assez compliqué et peu divulgué aussi. Mais il y a peut-être un secret défense là-dessus. Exactement. En fait, tout ce qu'on sait sur... par rapport au site internet de la compagnie, c'est que la cape, elle se plie et détourne la lumière autour de celui qui la porte. Le dispositif est vraiment très peu détaillé. Et par contre, il est seulement précisé que le système est léger et qu'il n'a pas besoin de batterie, de projecteur ni de caméra pour fonctionner. Mais en tout cas, la cape d'invisibilité est destinée exclusivement à un usage militaire et a priori pour seulement les armées américaines, canadiennes et britanniques. Et comme tu l'as dit, le secret défense est donc vraiment de mise dans cette histoire. Et selon l'armée américaine, le dispositif de Quantum Stealth est déjà opérationnel et il permettrait aux soldats de n'être repérés ni par les radars, ni par les caméras infrarouges ou thermiques. Et la technique pourrait même être étendue et adaptée aux véhicules de guerre du type tank, avion, sous-marin, etc. Ah oui. On peut dire qu'après ça, la guerre ne se fera plus comme avant, en quelque sorte. Mais les Canadiens ou les Américains ne sont pas les seuls sur le marché. Les Français aussi, par le biais de la direction générale de l'armement, ont eux aussi dévoilé récemment un système de camouflage très avancé baptisé Caméléon. Et les détails techniques sont là aussi très bien protégés, mais le programme apparemment de développement serait déjà aux deux tiers de son avancement. Mais est-ce que les sciences de la vie, la biologie ou même peut-être la génétique, par exemple, pourraient apporter aussi une solution pour participer un peu à cette course de l'invisibilité? Parce que tu nous as parlé au début d'une souris invisible, mais on ne l'a pas vue. Pas encore. Mais c'est vrai que une solution peut être abordée par tout ce qui est biologie et sciences de la vie en général, mais cette solution peut être, ou du moins paraître un peu partielle, dans la mesure où les sciences de la vie pourraient apporter une contribution limitée qui se manifeste ou plutôt va se limiter juste aux besoins qu'on a de certains biologistes pour pouvoir produire des systèmes de camouflage approchant en quelque sorte ce qui se fait dans la nature, comme cela a été fait dans l'exemple que j'ai cité des pieuvres, par exemple. C'est surtout la physique qui est au centre du monde de l'invisibilité. Mais au-delà même de ces querelles de discipline, moi je dirais que les sciences de la vie sont en mesure d'apporter aussi leur contribution de façon significative et peuvent aussi représenter une option. Peut-être dans un autre style, mais ça peut être quand même une solution. Et pour cause, des chercheurs japonais ont récemment fait part de leurs travaux où ils ont réussi à rendre une souris transparente, la fameuse souris invisible. Mais en fait, la méthode qu'ils ont baptisée cubique consiste à faire disparaître la couleur des tissus de la souris pardon, en lui injectant une solution saline dans le cœur qui va chasser le sang et va tuer l'animal. La souris est plongée ensuite pendant quelques semaines, 2 semaines environ, dans un réactif pour la décolorer. Cette méthode, comme le déclarent les auteurs de l'article publié dans la revue Celle du mois de novembre, est seulement à ses tout premiers balbutiements et ils doivent encore la développer. Toutefois, la technique va permettre d'examiner le corps dans sa totalité et les organes à une échelle plus globale, sans devoir charcuter les organes. On pourra ainsi, par exemple, suivre le développement des embryons ou des tumeurs. Il sera aussi possible de suivre l'expression de certains gènes directement dans les différents tissus ou même aller chercher un type cellulaire en particulier si on veut. Et au final, pour résumer, je peux dire que l'objectif de cette technique qui est très prometteuse est de fournir une technique qui va déboucher sur de nouvelles thérapies en se basant sur c'est ça. En fait, on est comme à l'extérieur du corps et puis on peut directement... On voit ce qu'il y a et ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est devenu transparent. C'est ça, exactement. On n'a plus besoin d'ouvrir le corps pour voir comment que ça change. Bon, ça promet aussi tout ça. Alors, là, on ne parle pas d'invisibilité, mais plutôt de visibilité en rendant visible ce qui est à l'intérieur, finalement. Oui. C'est ça. C'est ça qui est un peu paradoxal. L'invisibilité rend visible. Et moi, en faisant la chronique, je me rends compte que les concepts d'invisibilité et de transparence sont des fois... c'est à peu près la même chose. L'un entraîne l'autre, en fait, on dirait. Merci, Mustapha, c'était assez surprenant d'apprendre, par exemple, que la cape d'invisibilité existait déjà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on passe en publicité sur CKRL au 89.1. Au retour, on plonge avec les poissons dans l'eau.